Bah, il y a un deuxième extrait. Voilà, deuxième extrait de la même vidéo, un peu plus loin. Ça, c'était le, des enfants, c'était à l'époque où, où il avait des expériences dans des écoles, etc. Et bon, quelques ateliers comme Maté, il a amené des élèves des écoles à l'atelier et ils dessinaient et ils travaillaient avec les artistes. Mais aujourd'hui, on ne pourra pas filmer parce qu'on ne pourra pas filmer un modèle nu. Mais à l'époque, on les faisait. Les enfants aussi. Et les enfants aussi. Jamais, ils n'accepteront peut-être pas les mères, les pères, etc., qu'on les amène comme ça. Mais à l'époque, tout ça se faisait sans absolument aucune autorisation, aucun truc. C'était, on décidait de faire ça et on les faisait. Voilà. Regarde le deuxième extrait.